Les mystères d'Adolphe, partie 5, chapitre 3, Anne Radcliffe, lu par Eric pour Audiocité. Émilie prit son voile et descendit au rempart, la seule promenade qui lui fut permise. Elle eût bien désiré de parcourir les bois au-dessous et surtout de contempler les sublimes tableaux du voisinage. Montoni ne consentant pas qu'elle sortît des portes du château, elle cherchait à se contenter des vues pittoresques qu'elle observait de la muraille. Les paysans qu'on employait aux fortifications étaient alors éloignés de leur ouvrage, et personne n'était sur les remparts. Le ciel était sombre et triste comme elle. Cependant le soleil, perçant tout à coup au travers des nuages, Émilie voulut voir l'effet qu'il devait produire sur la tour du couchant. En se retournant, elle aperçut les trois étrangers arrivés le matin. Elle tressaillit. Une crainte involontaire s'empara d'elle, et regardant sur le rempart, elle n'y vit pas d'autre personne. Ils s'approchèrent, pendant qu'elle hésitait. La porte de la terrasse vers laquelle ils marchaient était toujours fermée. Et pour sortir par l'autre, il fallait bien passer près d'eux. Avant de s'y résoudre, elle baissa son voile sur sa tête, mais il cachait mal sa beauté. Ils la regardèrent attentivement et se parlèrent en mauvais italien. Elle n'entendit que quelques mots. La fierté de leur figure, à mesure qu'elle s'approchait d'eux, la frappa plus que n'avait encore fait la singularité de leurs vêtements. L'air et surtout la figure de celui qui marchait entre deux attirèrent son attention. Elle exprimait une fierté sauvage, une sorte de férocité noire, et pourtant maligne. Elle se sentit soulevée d'horreur. Ce caractère se lisait si facilement dans les traits de cet inconnu qu'un seul coup d'œil l'imprima dans sa mémoire. Elle avait passé très vite. Et à peine avait-elle un instant levé sur toute cette troupe un seul regard timide. Dès qu'elle fut au bout de la terrasse, elle se retourna et vit les étrangers, à l'ombre de la tourelle, qui la considéraient avec soin, et indiquaient par tous leurs gestes un entretien fort animé. Elle sortit du rempart et se retira chez elle. Montoni soupa fort tard et s'entretint avec ses hôtes dans le salon de cèdre, enflé de son triomphe récent sur Morano. Il vida souvent son verre et s'abandonna sans mesure au plaisir de la table et de la conversation. La gaieté de Cavigny semblait au contraire gênée par l'inquiétude. Il attachait ses regards sur Verezzi, qu'il avait eu peine à contenir jusqu'alors, et qui voulait toujours faire part à Montoni des dernières insultes du comte. Un des convives revint à l'événement de la précédente soirée. Les yeux de Verezzi étincelèrent. Ensuite on parla d'Émilie, et ce fut un concert d'éloges. Montoni seul gardait le silence. Quand les domestiques furent sortis, la conversation devint plus libre. Le caractère irascible de Verezzi mêlait quelquefois un peu d'aigreur à ce qu'il disait. Mais Montoni déployait le sentiment de la supériorité jusque dans ses regards et dans ses manières. Imprudemment, vint à nommer de nouveau Morano. En ce moment, Verezzi, échauffé par le vin, et sans égard aux signes que lui faisait Cavigny, donna mystérieusement quelque lumière sur l'incident de la veille. Montoni ne parut pas le remarquer. Il continua de se taire, sans montrer aucune émotion, cette apparente insensibilité ne faisant qu'augmenter la colère de Verezzi. Il redit enfin le propos de Morano sur ce que le château ne lui appartenait pas légitimement, et sur ce que, volontairement, il ne lui laisserait pas un autre meurtre sur la conscience. « Serais-je insulté à ma table ? Et le serais-je par mon ami ?» dit Montoni, pâle de fureur. pourquoi me répéter les propos d'un insensé ? Verizzi, qui s'attendait à voir le courroux de Montoni se tourner contre Morano, regarda Cavigni d'un air surpris. Et Cavigni jouit de sa confusion. Auriez-vous donc la faiblesse de croire au discours d'un homme que le délire de la vengeance égare ? Signor, dit Verizzi, nous ne croyons que ce que nous savons. Comment ? Interrompit Montoni d'un air grave. Où sont vos preuves ? Nous ne croyons que ce que nous savons, répéta Verizzi, et nous ne savons rien de tout ce que Morano nous affirme. Montoni parut se remettre. « Je suis prompt, mes amis, dit-il, quand il est question de mon honneur. Aucun homme n'en douterait avec impunité. »« Passez le verre, s'écria Montoni. »« Nous boirons à la signora Saint-Aubert, dit Cavigni. »« Avec votre permission, d'abord à la dame du château, reprit Bertolini. » Montoni restait muet. « À la dame du château, dirent les hôtes. » Et Montoni fit un mouvement de tête pour y consentir. « Je suis surpris, signor, lui dit Bertolini, que vous ayez si longtemps négligé ce château. C'est un bel édifice. »« Il convient fort à nos desseins, répliqua Montoni. « Vous ne savez pas, il me semble, par quel accident je le possède. »« Mais, dit Bertolini en souriant, c'est un très heureux accident, et je voudrais qu'il m'en arrivât un semblable. » Montoni le regarda gravement. « Si vous voulez m'écouter, ajouta-t-il, je vous raconterai cette histoire. » Les physionomies de Bertolini et de Verezzi exprimaient plus que de la curiosité. Cavigni, qui n'en manifestait aucune, savait probablement déjà l'histoire. « Il y a près de 20 ans, dit Montoni, que ce château est en ma possession. » La dame qui le possédait avec moi n'était ma parente que de loin. Je suis le dernier de ma famille. Elle était belle et riche. Je lui offris mes vœux. Elle en aimait un autre, et son cœur me rejeta. Il est vraisemblable que celui qu'elle favorisait la rejeta aussi elle-même. Une profonde et constante mélancolie s'empara d'elle. J'ai tout lieu de croire qu'elle-même abrégea ses jours. Je n'étais pas alors dans ce château. Cet événement est rempli de singulières et mystérieuses circonstances. Et je vais vous les répéter. Répétez-les, dit une voix. Montoni se tut. Ses hôtes se regardèrent et se demandèrent qui d'entre eux avait parlé. Ils s'aperçurent que tous en faisaient la question. Montoni, se remettant enfin, dit « On nous écoute. Nous reprendrons une autre fois. Passez le verre. » Les convives promenèrent leurs yeux autour de la salle. « Nous sommes seuls, dit Verizzi, je vous prie, signor. Continuez. N'entendez-vous pas quelque chose ? Dit Montoni. Il m'a semblé que oui, dit Bertolini. « Pure illusion, dit Verizzi en regardant encore. Nous ne sommes que nous. » « Je vous prie, signor, continuez. » Montoni fit une pause. Il reprit d'une voix plus basse, et les convives se serrèrent pour l'entendre. « Vous devez savoir, signor, que la signora Laurentini montrait depuis quelques mois les symptômes d'un grand attachement, et même d'une imagination dérangée. Son humeur était inégale. Quelquefois, elle s'enfonçait dans une rêverie paisible. Souvent, c'était les transports d'un égarement frénétique. Un soir, dans le mois d'octobre, après un de ses accès, elle se retira seule dans sa chambre et défendit qu'on l'interrompît. C'était la chambre au bout du corridor et le théâtre de la scène d'hier. De ce moment, on ne la vit plus. « Comment ? On ne la vit plus ? » s'écria Bertolini. « Son corps ne se trouva pas dans la chambre ? On ne trouva pas ses restes ? » s'écria tout le monde d'une voix unanime. « Jamais !» reprit Montoni. « Quelle raison eut-on de supposer qu'elle se fût tuée ? dit encore Bertolini. « Oui, quelle raison !» dit Verzi. Montoni lança à Verzi un vif regard d'indignation. « Pardonnez-moi, signor, » ajouta Verzi, « je ne pensais pas que la dame fût votre parente quand j'en parlais si légèrement. » Montoni reçut cette excuse. « Je vous expliquerai cela bientôt, » dit Montoni. « Il faut d'abord que je vous rapporte un fait étrange. Cette conversation ne doit pas nous passer, signor. Écoutez ce que je vais vous dire. Écoutez, » dit une voix. Ils étaient tous dans le silence, et Montoni changea de couleur. « Ceci n'est pas une illusion, » dit enfin Cavigni. « Non, » dit Bertolini, « je viens de l'entendre moi-même. » « Ceci devient très extraordinaire, » dit Montoni, qui se leva tout à coup. Tous les convives se levèrent en désordre. On appela les domestiques, on fit d'exactes recherches, et l'on ne trouva personne. La surprise, la consternation augmentèrent. Montoni fut déconcerté. « Quittons cette salle, » dit-il, « est le sujet de notre entretien. Il est trop sérieux. » Les hôtes étaient tous disposés à sortir de l'appartement. Mais ils prièrent Montoni de passer dans une autre chambre et de le finir. Rien ne put l'y déterminer, et malgré tous ses efforts pour paraître tranquille, il était visiblement très agité. « Comment, signor, dit Verezzi, seriez-vous superstitieux, vous qui riez si souvent de la crédulité des autres ?»« Je ne suis pas superstitieux, » répliqua Montoni. « Mais il faut connaître ce que cela veut dire. » Il sortit à ces mots, et tout le monde se retira.